بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس السابع عشر بعد المئة. Et c'est le dernier درس كتوش أو أحكام للصلاة. بفضل الله تعالى. إننا نصنع توجد أحكام صلاة الجنازة. ونتوش كتوش على الجنازة. يقول في سؤال السابع عشر بعد تسعمائة. 917 question. ما حكم قراءة ياسين على الميت؟ Quel est, qu'en est-il de rester sur la Yassine sur le mort? هذه بدعة. لعدم ثبوت دليل على ذلك. C'est une innovation qui ne contient aucun dalil à l'appui et ce qui serait parvenu comme un hadith n'est pas authentique. Comme dans le hadith qui dit Iqra'u ala mawtakum Yassin. Hein? Lisez sur vos morts Yassin. Ce hadith il est faible. Donc il n'y a rien à faire de cela et cela est une innovation. ثم قال في السؤال الثامن عشر بعد 900 918 question. ما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت؟ Également, qu'en est-il de rester sur la Al-Fatiha sur l'âme du mort? Et également, cela est une bid'a, une innovation. Lam tathbut fiha dalilu anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ait fait cela. Donc attention, pendant les janazes, il y a beaucoup d'innovations qui se font. Et on conseille aux gens, à nos frères, de lire le livre de Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui est Ahkam al-Janaïs, dans lequel il parle de beaucoup d'innovations qui se font à travers le monde chez les muslimines, afin que les muslims soient sur la science, la lumière, qu'ils sachent quoi faire et quoi ne pas faire, et ne pas suivre ce que les gens y font autour de lui. D'accord? Car le dîn, c'est de suivre les adillah. Comme a dit Ta'ala, « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun. » Suivez ce qui vous est descendu de votre Seigneur, ne suivez pas d'aller en dehors de lui. Donc ne pas croire que ce que tous les gens font en général, cela est une sunna ou cela est une chose qui est agréée auprès d'Allah Azzawajal. Non, il se peut que tu fasses une erreur et tu participes à l'erreur. Et que toi-même, en la faisant, tu incites d'autres personnes ignorantes qui te voient faire avec les autres, penser que cela est correct et se mettent à le faire également. Donc la science, c'est important. L'ilm, muhim jiddan. Car cette science, c'est la clé de la réussite. Les actes valables auprès d'Allah Azzawajal ne sont que ceux qui sont basés sur le suivi prophétique et sur la sincérité. Et ce suivi prophétique ne peut être connu que par la science. Ça ne se devine pas, ça ne se déduit pas. D'accord? Ça ne se révèle pas par rêve comme ça. Cela s'apprend. Et comment? Dans les livres qui tiennent les textes de la révélation. Quand Alef Issouel est assez achar, 919e question. Hel yajouz le bouquet al-mayyit? Est-il permis de pleurer sur le mort? On dit Naam, il est permis de pleurer sur le mort. Car c'est une chose qui est humaine que Allah Azzawajal l'a mis dans le cœur de ses serviteurs. Lakin qala la yajuz al-niyaha, il n'est pas permis de faire niyaha, c'est-à-dire ce que font surtout les femmes, le fait de hurler, de se rebeller, d'accord, de se déchirer les vêtements, de se tirer les cheveux, de se griffer le visage. Ça ce n'est pas permis, car ça revient à quoi? À faire preuve d'un mécontentement de ce que Allah Azzawajal aura décrété de la mort de cette personne-là. Et cela n'est pas permis. Comme dans le hadith d'Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, quand Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tadma'u al-'ayn wa yahzun al-qalb wa la naqul illa ma yurdi rabbana. Wallahu ya Ibrahim, inna bika la mahzunun. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'œil pleure et le cœur est triste, mais nous ne disons que ce que notre Seigneur agrée. Aucune parole, d'accord, qui soit, qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit que ce qu'il agrée. Et il a dit, par Allah, ô Ibrahim, nous sommes certes attristés, c'est-à-dire par ta mort. Et ça, c'est une chose qui est tout à fait normale. Ça, c'est par la rahma qu'Allah a mis dans le cœur de ses serviteurs. Rapporté par Al-Bukhari. Et ça, c'est présent même chez les koufars. La rahma et l'amour entre les proches, c'est une chose qui est naturelle, qui est humaine. Que Allah met dans les cœurs, même chez les animaux. Donc il n'y a aucun mal à pleurer. Là où il y a le mal, c'est ce qu'on appelle al-niyaha, qu'on a décrit au début. ثم قال في السؤال العشرين بعد 900 920e question. هل يجوز تشخيص القبور والكتابة عليها? Est-il permis justement de plâtrer les tombes, c'est-à-dire les plâtrer, les cimenter ou autre, et d'écrire sur les tombes? D'accord? D'écrire le nom de un tel ou de un tel ou de un tel. وقال هذا لا يجوز, cela n'est pas permis. Comme dans le hadith de Jabir, قَرَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ نُجَسَّسَ الْكُبُورِ وَنُقْعَدْ عَلَيْهِ وَنُبْنَى عَلَيْهِ. Qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on plâtre les tombes et que l'on s'assoit sur les tombes et que l'on construit sur les tombes. Comme on le voit chez les tombes des koufars, chez les mécréants. Ils ont des tombes, elles sont immenses. Tu vois des grandes bâtisses, des mausolées, des choses comme ça pour une personne qui est morte et en plus qu'une personne qui est vouée à l'enfer. D'accord? Après son sort, on revient à Allah Azzawajal s'il n'a pas reçu le Arisa Allah. Mais nous, dans cette dunya, on le juge comme étant un mécréant. Et nous, en islam, c'est une chose qui est simple, d'accord? Sans takalluf. Après, il y a eu un khilaf par rapport au fait de faire une marque pour reconnaître la tombe de la personne, car le Nabi Sallam, il a fait une marque pour la tombe de Othman ibn Maz'oun. Et de là, les ulama ont dit qu'il a fait une marque, qu'on peut écrire le nom de la personne. Et en réalité, cela n'a aucune preuve à l'appui, et cela également tachabou bi kuffar. Nous ressemblons avec les mécréants qui mettent le nom de la personne, son nom de famille, sa date de naissance et sa date de décès. Des fois, la photo et les fleurs, ce genre de choses. Tout cela n'existe pas en islam. Le fait de venir embellir les tombes, de mettre des plantes, rien à dire. Là. Par contre, nettoyer si des ronces apparaissent, de mauvaises penses apparaissent, non, ça c'est une bonne chose. Fumakala, Fisouala Wahidou Aishin Marti Surmiya, 921e question. Elle juz Nabj Kubur et Mushrikin. Est-il permis de déterrer les tombes des Mushrikin? Car celle du Muslim, cela n'est pas permis. Cette tombe et sa demeure, sa maison, hormis en cas de besoin, dans un cas de Daroura, où la tombe serait un endroit où elle sera blasphémée, à ce moment-là, il est permis de la déplacer. Mais celle du mouchrik n'a aucun la karama. D'accord? Elle n'a aucun droit, aucune valeur. S'il y a besoin de la déterrer, on la déterre. Et le hadith, le dali, c'est quoi? Justement, c'est que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medina et a voulu construire le masjid, al-Nabawi, il s'est trouvé sur une terre dans laquelle se trouvaient des tombes de mouchrikin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait déterrer. Il a fait jeter les corps, les dépouilles. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. ثم قال في السؤال الثاني وعشرين بعد 900 نسمع deuxième question. كيف تعزي أهل الميت؟ Comment est-ce que tu fais les condoléances à la personne qui est morte, à la famille du mort؟ جاء في حديث أسامة بن زيد قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ وأن ابنها يجود بنفسه فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل بأجر مسمى فالتصبير ولا تحتسب. Qu'il est dit qu'il était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait lui ainsi que Mu'az ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b et d'autres personnes, et que un messager venant de sa fille est venu l'informer que son petit-fils était mort. Donc elle le convoquait, elle voulait qu'il vienne. Et le Nabi sallam, après lui avoir envoyé le salam, lui a informé en disant que ce qu'elle a appris, celui-là lui appartient. Tout comme ce qu'il a donné, celui-là lui appartient. Et toute chose a un terme défini. Donc, qu'elle patiente et qu'elle cherche à récompense dans cette épreuve, apportée par Al-Bukhari. Et également, on peut dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comme on a dit dans le Coran. Al-lazina idha asabatum musibatun, qalu Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alim salawat min rabbim rahmah, wa ulaika humul muttaqun. Donc on dit, certes, c'est Allah que nous sommes, c'est à lui que nous revenons. Lorsqu'un mal nous touche, et ça c'est une chose qui est générale, parmi les plus grands mots qui puissent nous toucher, c'est le fait que Allah Azzawajal reprenne un de nos proches. Mais celui qui patiente, comme a déjà fait le hadith Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yakul Allah Azzawajal, mali abdi, indi jaza'in, izekabattu, ou abdi al-mu'min, indi jaza'in, izekabattu, safiyatahu min ahl al-dunya, thumma sabar ila al-jannah. Qu'il n'y ait pas un serviteur croyant qui n'ait de récompense auprès de moi si jamais je prends un de ses proches et qu'il patiente, si ce n'est le paradis. Donc c'est une épreuve. Mais celui qui patiente, qui fait preuve de d'irtisel, c'est-à-dire qui enregistre la récompense à travers cela, le paradis lui est promis. Donc c'est à nous de faire preuve justement du comportement légiféré dans ce genre de moment. ثم قال في السؤال الثالث وعشرين بعد 900 923e question. Est-ce qu'il y a un mérite à faire les condoléances? Celui qui fait la condoléance à son frère sera revêtu d'une tunique. Lorsqu'il dit kurama, je ne sais pas comment traduire kurama, c'est une chose qui est noble, qui a beaucoup de valeur, le jour de la résurrection. Comme dans le hadith de Amr ibn Hazm. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كسه الله سبحانه وتعالى من حلل الكرامة يوم القيامة. Apporté par Ibn Majah. Il dit qu'il n'y a pas de croyant qui ne fasse de condoléances à son frère qui était atteint par un malheur, par un mal, sans que Allah ne le revêtisse justement de cette tunique de karama le jour de la résurrection. Apporté par Ibn Majah et authentifié ou rendu hassan par Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc de là, s'achève dans les vers qui touchaient au kitab de As-Salah. Ou Abad al-Hadas, il y a trouvé Bab al-Zakah. Naam. Fais-le, Huna. Ou Alhamdulillah.